Néhémie chapitre 12. Or ce sont ici les sacrificateurs, et les Lévites qui montèrent avec Zorobabel, fils de Salatiel, et avec Jésua, Savoir, Séraja, Jérémie, Ezra, Amarja, Maluch, Atu, Séchanja, Réum, Mérémoth, Ido, Guinétoï, Abija, Mijamin, Mahadja, Bilga, Semaja, Jojarib, Jedaja, Salut, Amo, Ilkija, Jedaja. Ce furent là les principaux des sacrificateurs et de leurs frères, du temps de Jésua. Et quant aux Lévites, il y avait Jésua, Binui, Kadmiel, Serebja, Judas, et Matanja, qui étaient commis sur les louanges, lui et ses frères. Et Bakbukja, et Uni, leurs frères, étaient vis-à-vis d'eux en leur charge. Or Jésua engendra Jojakim, et Jojakim engendra Eliasib, et Eliasib engendra Jojada. Et Jojada engendra Jonathan, et Jonathan engendra Jadua. Et ceux-ci, au temps de Jojakim, étaient sacrificateurs, chefs des pères, pour Séraja, Meraja, pour Jérémie, Ananja, pour Esdra, Mesulam, pour Amarja, Johanan, pour Mélicu, Jonathan, pour Sébanja, Joseph, pour Arim, Adna, pour Mirajot, Elkaï, pour Ido, Zachari, pour Guineton, Mesulam, pour Abija, Zikri, pour Benjamin et Moadja, Piltaï, pour Bilga, Samua, pour Semaja, Jonathan, pour Jojarib, Matenaï, pour Jedaja, Uzi, pour Salaï, Kalaï, pour Amo, Ebé, pour Ilkija, Azabja, pour Jedaja, Nathanaël. Quant aux Lévites, les chefs de leur père, du temps d'Eliasib, Jojada, Johanan et Jadua, sont enregistrés avec les sacrificateurs, jusqu'au règne de Darius de Perse. De sorte que les enfants de Lévi, chefs des pères, ont été enregistrés au livre des chroniques, jusqu'au temps de Johanan, petit-fils d'Eliasib. Les chefs donc des Lévites furent Azabja, Serebja, et Jésua, fils de Kadmiel, et leurs frères étaient vis-à-vis d'eux, pour louer et célébrer le nom de Dieu, selon le commandement de David, homme de Dieu, un rang correspondant à l'autre. Matanja, Bakbukja et Obadja, Mesulam, Talmon et Akub, avaient la charge des portiers, qui faisaient la garde dans les assemblées des portes. Cela furent du temps de Jojakim, fils de Jésua, fils de Jotsada, et du temps de Néhémie le gouverneur, et d'Esdra, sacrificateur et scribe. Or, en la dédicace de la muraille de Jérusalem, on envoya quérir les Lévites de tous leurs lieux, pour les faire venir à Jérusalem, afin qu'on célébrât la dédicace avec joie, par des actions de grâce, et par des cantiques, sur des cymbales, des musettes, et des harpes. On assembla donc ceux qui étaient de la race des chantres, tant de la campagne des environs de Jérusalem, que des bourgades des Netophatiens, et du lieu de Gilgal, et des territoires de Geba et d'Azmavet, car les chantres s'étaient bâtis des bourgades aux environs de Jérusalem. Ainsi les sacrificateurs et les Lévites se purifièrent, ils purifièrent aussi le peuple, les portes, et la muraille. Puis je fis monter les principaux de Juda sur la muraille, et j'établis deux grandes bandes, qui devaient chanter les louanges de Dieu, et le chemin de l'une était à la droite, sur la muraille tendant vers la porte de la fiente. Et après eux marchaient aux Aja, avec la moitié des principaux de Juda, savoir, Azarja, Esdra, Mesulam, Juda, Benjamin, Semaja et Jérémie, et quelques-uns d'entre les enfants des sacrificateurs avec les trompettes. Puis Achari, fils de Jonathan, fils de Semaja, fils de Matanja, fils de Mishaja, fils de Zakur, fils d'Azaph, et ses frères, Semaja, Azaréel, Milalaï, Gilalaï, Maï, Nathanaël, Juda et Anani, avec les instruments des cantiques de David, homme de Dieu, et Esdra le scribe marchait devant eux. Et ils vinrent vers la porte de la fontaine qui était vis-à-vis d'eux, et montèrent au degré de la cité de David, par la montée de la muraille, depuis la maison de David, jusqu'à la porte des eaux, vers l'Orient. Et la seconde bande de ceux qui chantaient les louanges de Dieu, allait à l'opposite, et j'allais après elle, avec l'autre moitié du peuple, allant sur la muraille, par-dessus la tour des fours, jusqu'à la muraille large, et vers la porte d'Ephraïm, et vers la porte vieille, et vers la porte des poissons, vers la tour de Hananéel, et vers la tour de Méa, jusqu'à la porte du bercail, et ils s'arrêtèrent vers la porte de la prison. Puis les deux bandes de ceux qui chantaient les louanges de Dieu, s'arrêtèrent dans la maison de Dieu. Je m'arrêtai aussi avec la moitié des magistrats qui étaient avec moi, et les sacrificateurs, Eliakim, Maaseja, Benjamin, Mikaja, Elioenaï, Zacharie et Ananja, avec les trompettes. Et Maaseja, Semaïa, Elaza, Uzi, Johanan, Malchija, et Lamézé. Puis les chantres, desquels Jisraja avait la charge, firent retentir leur voix. On offrit aussi en ce jour-là de grands sacrifices, et on se réjouit, parce que Dieu leur avait donné une grande matière de joie, même les femmes et les enfants se réjouirent, et la joie de Jérusalem fut entendue de loin. Et on établit en ce jour-là des hommes sur les chambres des trésors, des oblations, des prémices et des dîmes, pour rassembler du territoire des villes, les portions ordonnées par la loi aux sacrificateurs et aux lévites, car Juda fut dans la joie à cause des sacrificateurs, et des lévites qui se trouvaient là, parce qu'ils avaient gardé la charge qui leur avait été donnée de la part de leur Dieu, et la charge de la purification. On établit aussi des chantres et des portiers, selon le commandement de David, et de Salomon, son fils. Car autrefois, du temps de David et d'Asaph, on avait établi des chefs des chantres, et des cantiques de louanges et d'actions de grâce à Dieu. C'est pourquoi tous les Israélites du temps de Zorobabel, et du temps de Néhémie, donnaient les portions des chantres et des portiers, savoir, ce qu'il fallait chaque jour, et les consacraient aux Lévites, et les Lévites les consacraient aux enfants d'Aaron.